de Gabriel Fauré. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs ? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets d'émission pour la saison automne-hiver 2018-2019. Comment faire ? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca, puis dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est intégrer la première radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance, vous avez jusqu'au 12 août. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines. Bonsoir à tous les amateurs de bonne musique. Et c'est l'émission Terra Incognita à CKRL 89.1 à Québec. Et c'est un choix musical de Bruno cette semaine, mais vous êtes quand même en compagnie de France, Jean-François et de Bruno. Bonsoir. Ben oui, puis ben le gros sujet à ce temps-là, c'est la grosse canicule. Et d'ailleurs, ça l'est aussi dans le studio. Hein? Oui, oui. Ça rafraîchit un petit peu dehors, mais on vous garde quand même à chaleur avec la bonne musique que Bruno vous a concoctée. Et ça va commencer avec le groupe américain Hands, qui ont sorti un album qui s'appelle Strangelet. Bruno me fait des signes, non? C'est bien celui-là. Parce que il y avait un groupe, c'est le groupe avec la pochette qui ressemble à Harmonium. Là. Puis, moi, je ne connais pas ce disque-là, mais Bruno, il y a toujours des bonnes surprises pour nous autres. On parlera un petit peu, peut-être, de spectacles aussi. Là. On n'en fera pas une liste. Là. Non, France n'a pas sa liste. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Mais il y a un petit quelque chose quand même qu'on vous jasera. Donc, on va entendre du groupe Hands, Miracle in the Mine. Once upon a time, there was room for mine, there was room for yours. Look around you now, all the hungry mouths, there is little doubt. Few more

dernier album du groupe italien Nathan, qui s'appelle Era. On vient d'entendre la pièce Figli di Cane. Et ben c'est en remplacement d'une pièce sur un disque qui n'a pas fonctionné. Donc, il faut savoir improviser. Et on avait débuté ce bloc avec le groupe Hans, qu'on avait perdu de vue, hein, parce que ben, il y avait la pochette, comme du premier harmonium, là, sur une pochette blanche. On avait bien aimé ce disque-là d'un groupe américain. Et ben, ce qu'on a entendu, ça date de 2008. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en a eu un autre aussi en 2015. Donc, ce groupe-là, on l'avait perdu de vue, malheureusement. Et bien, merci à Bruno de nous avoir fait découvrir de la nouvelle musique de ce groupe qu'on connaissait depuis longtemps. Et bien, on va continuer avec toujours avec notre groupe italien Nathan. On va entendre une deuxième pièce ça, de ce même album, Era, qui s'appelle « Invisible ». Sono la notte senza fortuna.

Je pense que le batteur qui vient de... De Beauport. Bernie Aubin, il est encore là, lui. Mm-hmm. Mais il n'y a plus la chanteuse Darby Mills. Je pense que ça fait déjà un bon bout de temps, depuis 89, qu'elle a quitté le groupe. Elle avait une voix assez puissante, mais il semblerait que sa remplaçante en a une pas mal aussi. Très belle voix. J'ai été vérifié sur YouTube. Ben oui, puis bon, elle chante fort. Ah oh oui, elle chante fort. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est le groupe de Pierre Ménard. Pierre Ménard qui joue de la batterie. Et ben Pierre nous disait dernièrement aussi qu'il y avait un groupe qui s'appelait Camel Clutch. Je lui disais, ben je connais Camel Clutch, mais je ne savais pas que c'était toi le batteur. Et Pierre, ben il met toujours beaucoup de photos des concerts de musique progressive et d'autres. Là, qui... Oui, c'est le photographe attitré, comme on peut dire. Ben, pour dire qu'il est photographe professionnel aussi. Oui. Et il y a toujours des beaux portraits. Oui, des beaux portraits pour faire un jeu de mots. C'est parce que sa business s'appelle comme ça. Sa business s'appelle Beau Portrait. Donc, on va entamer ce deuxième bloc avec le groupe Introitus. Et ce sera suivi de No Name et de Amplifier. Never endless. Every night. turning into real. Sooner or later, as has to be foreseen, release me. I'm converting into dust. Disperse me to vanish into air. More and more it scatters to the four winds. It is drizzling down, close to the unexpected. Release me to this unreal situation. Rebuild me. It is getting dark in the shadowland. The meeting of the hollow people in this swamp. The creation of a unity. What a crowd! Look at me. Resurrection of the mind. CKRL HD. Une radio haute décibels. Pour sa 23e édition, le Festival des Journées d'Afrique de Québec dans ses rythmes du monde fait vibrer la ville de Québec. Les artistes de toute origine se donnent rendez-vous du 28 au 30 juillet pour célébrer le chant, le rythme et vous donner la cadence. Le Festival des Journées d'Afrique de Québec vous est présenté grâce au soutien de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada et CKRL 89.1. Consultez la programmation sur festivaljournéesdafrique.com. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racine Musicale, commandée par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum, mesdames, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. C'est KRL 89.1 et c'est l'émission Terra Incognita, encore jusqu'à minuit. Et ce qu'on a entendu en fin de bloc, c'est le groupe anglais Amplifier avec leur dernier album en date, Tripping with Dr. Faustus, on a entendu Anubis. Et c'est leur sixième album, ce groupe-là. Ils font des disques assez différents les uns des autres. Toi, tu te souviens de Echo Street, c'est celui qui t'avait marqué. En tout cas, tu m'en avais parlé à l'époque. Ça date déjà de quelques années. Et il avait changé de style un petit peu avec Mysteria. Et juste avant, c'était les Luxembourgeois de No Name avec leur album Four qui date de 2006. On a entendu la pièce The Curse. Et ils ont changé de nom, No Name. Ils ont ajouté Experience. Donc, il y a quelques semaines, on avait entendu une pièce sous le nouveau patronyme de No Name Experience. Et on avait débuté avec Introitus de leur album Element. Et la pièce qu'on a entendue, c'est The Anal That Feeds You. Et France, tu voulais dire que... C'est le 23 août. Oui, Vintage Collection avec Hypin. Hypins. Les pinces à cheveux. Les pinces à cheveux. Ouais. À celle Jean-Paul Tardy. Hey, ça va rocker. Oui. Et les pics de notre ami Pierre Ménard vont être bien droits dans les airs. Oui. Et malheureusement, on n'aura pas de photos de ce spectacle-là parce que Pierre va être derrière la batterie. Et on poursuit la musique avec Monarch Trail qui ont sorti un très bon disque. C'est l'année passée et ça ramenait sur le devant un musicien qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps. Et on va entendre aussi Progression by Failure et Aguza. Donc, ce bloc-là va se terminer avec Aguza. Donc, on y va en musique avec Monarch Trail.

sur la Fabrique culturelle. Élément 8. L'octueur de violoncelle interprète Pavane, opus numéro 50, de Gabriel Fauré. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Agouza, on a terminé avec Agouza de leur album éponyme qui est sorti en fin d'année dernière. On a entendu la pièce Sort Jeune Free. Et juste avant, c'était Prorogation by Failure. En fait, c'est un groupe français que je ne connaissais pas. L'album s'appelle Sonic Travelogue, on a entendu, The Pyramid and the Sphere. On avait débuté avec le groupe canadien Monarch Trail. En fait, c'est leur premier qui s'appelle Sky. On a entendu la pièce Luminescence. Eh bien, on est un petit peu pressé par le temps parce que les pièces sont assez longues. On va entendre le groupe Melody qu'on entend depuis quelques semaines. Là, Michel était bien amateur de ça. L'album s'appelle Twanin Toista. On va entendre la pièce Nuria Puoli. Kohtaloa ja kylmän totuuden varjoon. vastustan, polvillaan pyytää, nuhteessa synneistä puhtaana elää. Toinen hedonismiin hukkuu, otteesta heroiinin tuskin elonkuja, nurja tiedän sen, varjoilla valaistuttiin meidät kaikki vie. Siitä viisastuitko, kuusesta putosi, opetukset unohti. Kohti seitsemään taivaasta. Taival oli kovin vaivaista. Matkalla maalliseen maaliin, päätyen vain saviseen. Kurja kuori, oli sen nurja puoli, varjon se vaisto, tuhkana tulevaisuuteen. We'll be right back. kurja kuori, oli sen nurja puoli. Varjon se vaistoo tuhkana tulevaisuuteen. Le groupe Melody avec l'album Toinen Toista, et on a entendu la pièce Nuria Puoli. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire,